S'attristant mutuellement, ils regardaient leur langue, se tâtaient le pouls, changeaient d'eau minérale, se purgeaient, et redoutaient le froid, la chaleur, le vent, la pluie, les mouches, principalement les courants d'air. Pécuchet imagina que l'usage de la prise était funeste. D'ailleurs, un éternuement occasionne parfois la rupture d'un anévrisme, et il abandonna la tabatière. Par habitude, il plongeait les doigts, puis tout à coup se rappelait son imprudence. Comme le café noir secoue les nerfs, Bouvard voulut renoncer à la demi-tasse. Mais il dormait après ses repas, et avait peur en se réveillant, car le sommeil prolongé est une menace d'apoplexie. Leur idéal était Cornaro, ce gentilhomme vénitien qui, à force de régime, atteignit une extrême vieillesse. Sans le limiter absolument, on peut avoir les mêmes précautions. Et Pécuchet tira de sa bibliothèque un manuel d'hygiène par le docteur Morin. Comment avait-il fait pour vivre jusque-là? Les plats qu'ils aimaient s'y trouvent défendus. Germaine, embarrassée, ne savait plus que leur servir. Toutes les viandes ont des inconvénients. Le boudin et la charcuterie, le harengsort, le homard et le gibier sont réfractaires. Plus un poisson est gros, plus il contient de gélatine et par conséquent est lourd. Les légumes causent des aigreurs. Le macaroni donne des rêves. Les fromages considérés généralement sont d'une digestion difficile. Un verre d'eau le matin est dangereux. Chaque boisson ou comestible étant suivie d'un avertissement pareil, ou bien de ces mots, mauvais, gardez-vous de l'abus. Ne convient pas à tout le monde. Pourquoi mauvais? Où est l'abus? Comment savoir si telle chose vous convient? Quel problème que celui du déjeuner! Ils quittèrent le café au lait, sur sa détestable réputation, et ensuite le chocolat, car c'est un amas de substances indigestes. Restait donc le thé. Les personnes nerveuses doivent se l'interdire complètement. Cependant, Descaires, au XVIIe siècle, en prescrivait 20 décalitres par jour afin de nettoyer les marais du pancréas. Ce renseignement ébranla Morin, dans leur estime, d'autant plus qu'il condamne toutes les coiffures, chapeaux, bonnets et casquettes, exigence qui révolta Pécuchet. Alors ils s'achetèrent le traité de Becquerel, où ils virent que le porc est en soi-même un bon aliment, le tabac d'une innocence parfaite, et le café indispensable aux militaires. Jusqu'alors, ils avaient cru à l'insalubrité des endroits humides. Pas du tout. Casper les déclare moins mortels que les autres. On ne se baigne pas dans la mer sans avoir rafraîchi sa peau. Béguin veut qu'on s'y jette en pleine transpiration. Le vin pur après la soupe passe pour excellent à l'estomac. Lévy l'accuse d'altérer les dents. Enfin, le gilet de flanelle, cette sauvegarde, ce tuteur de la santé, ce palladium chéri de Bouvard et inhérent à Pécuchet, sans embâge ni crainte de l'opinion, des auteurs le déconseillent aux hommes pléthoriques et sanguins. Qu'est-ce donc que l'hygiène? Vérité, en deçà des Pyrénées. Erreur au-delà, l'affirme M. Lévy. Et Becquerel ajoute qu'elle n'est pas une science. Alors ils se commandèrent pour leur dîner des huîtres, un canard, du porc au chou, de la crème, un pont-l'évêque et une bouteille de Bourgogne. Ce fut un affranchissement, presque une revanche. Et ils se moquaient de Cornaro. Fallait-il être imbécile pour se tyranniser comme lui? Quelle bassesse que de penser toujours au prolongement de son existence. La vie n'est bonne qu'à la condition d'en jouir. Encore un morceau? Je veux bien. Moi de même. À ta santé, à la tienne. Et fichons-nous du reste, il s'exaltait. Bouvard annonça qu'il voulait 3 tasses de café, bien qu'il ne fût pas un militaire. Pécuchet, la casquette sur les oreilles, prisait coup sur coup, éternuait sans peur, et sentant le besoin d'un peu de champagne, ils ordonnèrent à Germaine d'aller de suite au cabaret leur en acheter une bouteille. Le village était trop loin, mais elle refusa. Pécuchet fut indigné. « Je vous somme, entendez-vous, je vous somme d'y courir !» Elle obéit, mais en bougonnant. Elle lâchait bientôt ses maîtres, tant ils étaient incompréhensibles et fantasques. Puis, comme autrefois, ils allèrent prendre le Gloria sur le vigneau. La moisson venait de finir, et des meules, au milieu des champs, dressaient leurs masses noires sur la couleur de la nuit, bleuâtre et douce. Les fermes étaient tranquilles. On n'entendait même plus les grillons. Toute la campagne dormait. Ils digéraient en humant la brise qui rafraîchissait leurs pommettes. Le ciel très haut était couvert d'étoiles, les unes brillant par groupes, d'autres à la file, ou bien seules à des intervalles éloignés. Une zone de poussière lumineuse, allant du septentrion au midi, se bifurquait au-dessus de leur tête. Il y avait entre ces clartés de grands espaces vides, et le firmament semblait une mer d'azur, avec des archipels et des îlots. « Quelle quantité !» s'écria Bouvard. « Nous ne voyons pas tout, » reprit Pécuchet. « Derrière la Voie lactée, ce sont les nébuleuses. Au-delà des nébuleuses, des étoiles encore. La plus voisine est séparée de nous par 300 billions de myriamètres. » Il avait regardé souvent dans le télescope de la place Vendôme et se rappelait les chiffres. Le Soleil est 1 million de fois plus gros que la Terre. Sirius a 12 fois la grandeur du Soleil. Des comètes mesurent 34 millions de lieues. « C'est à rendre fou, » dit Bouvard. Il déplora son ignorance et même regrettait de n'avoir pas été dans sa jeunesse à l'école polytechnique. Alors Pécuchet, le tournant vers la Grande Ourse, lui montra l'étoile polaire, puis Cassiopée, dont la constellation forme un Y, Véga de la Lyre toute scintillante, et au bas de l'horizon, le rouge Aldébaran. Bouvard, la tête renversée, suivait péniblement les triangles, quadrilatères et pentagones qu'il faut imaginer pour se reconnaître dans le ciel. Pécuchet continua. La vitesse de la lumière est de 80 000 lieues dans une seconde. Un rayon de la Voie lactée met 6 siècles à nous parvenir, si bien qu'une étoile, quand on l'observe, peut avoir disparu. Plusieurs sont intermittentes, d'autres ne reviennent jamais. Et elles changent de position. Tout s'agite, tout passe. Cependant, le Soleil est immobile? On le croyait autrefois. Mais les savants aujourd'hui annoncent qu'il se précipite vers la constellation d'Hercule. Cela dérangeait les idées de Bouvard, et après une minute de réflexion, la science est faite suivant les données fournies par un coin de l'étendue. Peut-être ne convient-elle pas à tout le reste qu'on ignore, qui est beaucoup plus grand et qu'on ne peut découvrir. Il parlait ainsi, debout sur le vigneau, à la lueur des astres, et leur discours était coupé par de longs silences. Enfin, ils se demandèrent s'il y avait des hommes dans les étoiles. Pourquoi pas? Et comme la création est harmonique, les habitants de Sirius devaient être démesurés, ceux de Mars d'une taille moyenne, ceux de Vénus très petits, à moins que ce ne soit partout la même chose. Il existe là-haut des commerçants, des gendarmes, on y trafique, on s'y bat, on y détrône des rois. Quelques étoiles filantes glissèrent tout à coup, décrivant sur le ciel comme la parabole d'une monstrueuse fusée. « Tiens, » dit Bouvard, « voilà des mondes qui disparaissent. » Pécuchet reprit. « Si les nôtres à son tour faisaient la cabriole, les citoyens des étoiles ne seraient pas plus ébus que nous, ne le sommes maintenant. De pareilles idées vous enfoncent l'orgueil. Quel est le but de tout cela? Peut-être qu'il n'y a pas de but. Cependant, » et Pécuchet répéta 2 fois ou 3 fois, « cependant, sans trouver rien de plus à dire, n'importe, je voudrais bien savoir comment l'univers est fait. » « Cela doit être dans Buffon, » répondit Bouvard, dont les yeux se fermaient. « Je n'en peux plus, je vais me coucher. » Les époques de la nature leur apprirent qu'une comète, en heurtant le Soleil, en avait détaché une portion, qui devint la Terre. D'abord les pôles s'étaient refroidis. Toutes les eaux avaient enveloppé le globe. Elles s'étaient retirées dans les cavernes. Puis les continents se divisèrent. Les animaux et l'homme parurent. La majesté de la création leur causa un ébahissement, infini comme elle. Leurs têtes s'élargissaient. Ils étaient fiers de réfléchir sur de si grands objets. Les minéraux ne tardèrent pas à les fatiguer, et ils recoururent comme distraction aux harmonies de Bernardin, de Saint-Pierre. Harmonie végétale et terrestre, aérienne, aquatique, humaine, fraternelle, et même conjugale, tout y passa, sans omettre les invocations à Vénus, aux zéphyrs et aux amours. Ils s'étonnaient que les poissons eussent des nageoires, les oiseaux des ailes, les semences une enveloppe. Plein de cette philosophie qui découvre dans la nature des intentions vertueuses et la considère comme une espèce de Saint Vincent de Paul, toujours occupé à répandre des bienfaits. Ils admirèrent ensuite ces prodiges, les trombes, les volcans, les forêts vierges, et ils achetèrent l'ouvrage de M. d'Epping sur les merveilles et beautés de la nature en France. Le Cantal en possède 3, l'Hérault 5, la Bourgogne 2, pas davantage, tandis que le Dauphiné compte à lui seul jusqu'à 15 merveilles. Mais bientôt, on n'en trouvera plus. Les grottes à stalactites se bouchent, les montagnes ardentes s'éteignent, les glacières naturelles s'échauffent, et les vieux arbres dans lesquels on disait la messe tombent sous la cognée des niveleurs, ou sont en train de mourir. Puis leur curiosité se tourna vers les bêtes. Ils rouvrirent leurs buffons et s'extasièrent devant les goûts bizarres de certains animaux. Mais tous les livres ne valant pas une observation personnelle, ils entraient dans les cours, et demandaient aux laboureurs s'ils avaient vu des taureaux se joindre à des juments, les cochons rechercher les vaches, et les mâles des perdrix commettre entre eux des turpitudes. Jamais de la vie, on trouvait même ces questions un peu drôles pour des messieurs de leur âge. ils voulurent tenter des alliances anormales. La moins difficile est celle du bouc et de la brebis. Leur fermier ne possédait pas de bouc. Une voisine prêta le sien. Et l'époque du rut étant venue, ils enfermèrent les deux bêtes dans le pressoir, en se cachant derrière les futailles, pour que l'événement pût s'accomplir en paix. Chacune d'abord mangea son petit tas de foin. Puis elles ruminèrent, la brebis se coucha, et elle bêlait sans discontinuer, pendant que le bouc d'aplomb sur ses jambes torses, avec sa grande barbe et ses oreilles pendantes, fixait sur eux ses prunelles qui luisaient dans l'ombre. Enfin, le soir du troisième jour, ils jugèrent convenable de faciliter la nature, mais le bouc se retournant contre Pécuchet, lui flanqua un coup de corne au bas-ventre. La brebis, saisie de peur, se mit à tourner dans le pressoir comme dans un manège. Bouvard courut après, se jeta dessus pour la retenir, et tomba par terre avec des poignées de laine dans les deux mains. Ils renouvelèrent leurs tentatives sur des poules et un canard, sur un dogue et une truie, avec l'espoir qu'ils en sortiraient des monstres, et ne comprenant rien à la question de l'espèce. Ce mot désigne un groupe d'individus dont les descendants se reproduisent. Mais des animaux classés comme d'espèces différentes peuvent se reproduire, et d'autres compris dans la même en ont perdu la faculté. Ils se flattèrent d'obtenir là-dessus des idées nettes, en étudiant le développement des germes, et Pécuchet écrivit à Dumouchel pour avoir un microscope. Tour à tour, ils mirent sur la plaque de verre des cheveux, du tabac, des ongles, une patte de mouche. Mais ils avaient oublié la goutte d'eau indispensable. C'était d'autrefois la petite lamelle, et ils se poussaient déranger l'instrument, puis n'apercevant que du brouillard, accusaient l'opticien. Ils en arrivèrent à douter du microscope. Les découvertes qu'on lui attribue ne sont peut-être pas si positives. Dumouchel, en leur adressant la facture, les pria de recueillir à son attention des ammonites et des oursins, curiosité dont il était toujours amateur, et fréquente dans leur pays. Pour les exciter à la géologie, il leur envoyait les lettres de Bertrand avec le discours de Cuvier sur les révolutions du globe. Après ces deux lectures, ils se figurèrent les choses suivantes. D'abord, une immense nappe d'eau, d'où émergeaient des promontoires, tachetés par des lichens, et pas un être vivant, pas un cri, c'était un monde silencieux, immobile et nu. Puis de longues plantes se balançaient dans un brouillard qui ressemblait à la vapeur d'une étuve. Un soleil tout rouge surchauffait l'atmosphère humide. Alors des volcans éclatèrent. Les roches ignées jaillissaient des montagnes, et la pâte des porphyres et des basaltes qui coulaient se figea. Troisième tableau. Dans des mers peu profondes, des îles de madrépores ont surgi. Un bouquet de palmiers, de place en place, les domine. Il y a des coquillages pareils à des roues de chariot, des tortues qui ont 3 mètres, des lézards de 60 pieds. Des amphibies allongent entre les roseaux leur col d'autruche à mâchoire de crocodile. Des serpents ailés s'envolent. Enfin, sur les grands continents, de grands mammifères parurent, les membres difformes comme des pièces de bois mal équarries, le cuir plus épais que des plaques de bronze, ou bien velus, lipus, avec des crinières et des défenses contournées. Des troupeaux de mammouths broutaient les plaines, ou fut depuis l'Atlantique. Le paléothérium, moitié cheval, moitié tapir, bouleversait de son groin les fourmilières de Montmartre, et le Cervus gigantus tremblait sous les châtaigniers, à la voix de l'ours des cavernes qui faisait japper dans sa tanière le chien de Beaugency 3 fois haut comme un loup. Toutes ces époques avaient été séparées les unes des autres par des cataclysmes, dont le dernier est notre déluge. C'était comme une féerie en plusieurs actes, ayant l'homme pour apothéose. Ils furent stupéfaits d'apprendre qu'il existait sur des pierres des empreintes de libellules, de pattes d'oiseaux. Et ayant feuilleté un des manuels Roret, ils cherchèrent des fossiles. Un après-midi, comme ils retournaient des silex au milieu de la grande route, monsieur le curé passa, il les abordant d'une voix pateline. « Ces messieurs s'occupent de géologie ?»« Fort bien. » Car il estimait cette science. Elle confirme l'autorité des Écritures, en prouvant le déluge. Bouvard parla des coprolites, lesquels sont des excréments de bêtes pétrifiées. L'abbé Geoffroy parut surpris du fait. Après tout, s'il avait lieu, c'était une raison de plus d'admirer la Providence. Pécuchet avoua que leurs enquêtes jusqu'alors n'avaient pas été fructueuses, et cependant les environs de falaises, comme tous les terrains jurassiques, devaient abonder en débris d'animaux. « J'ai entendu dire, répliqua l'abbé Geoffroy, qu'autrefois on avait trouvé à Villers la mâchoire d'un éléphant. Du reste, un de ses amis, M. Larsonneur, avocat, membre du barreau de Lisieux et archéologue, leur fournirait peut-être des renseignements. Il avait fait une histoire de Port-en-Bessin, où était notée la découverte d'un crocodile. Bouvard et Pécuchet échangèrent un coup d'œil. Le même espoir leur était venu. Et malgré la chaleur, ils restèrent debout pendant longtemps, à interroger l'ecclésiaste qui s'abritait sous un parapluie de coton bleu. Il avait le bas du visage un peu lourd, avec le nez pointu, souriait continuellement, ou penchait la tête en fermant les paupières. La cloche de l'église tinta l'Angélus. « Bien le bonsoir, messieurs, vous permettez, n'est-ce pas ?» Recommandés par lui, ils attendirent durant 3 semaines la réponse de l'arçonneur. Enfin, elle arriva. L'homme de Villers qui avait déterré la dent d'un mastodonte s'appelait Louis Bloch. Les détails manquaient. Quant à son histoire, elle occupait un des volumes de l'Académie lexovienne. Et il ne prêtait point son exemplaire, dans la peur de dépareiller la collection. Pour ce qui était de l'alligator, on l'avait découvert au mois de novembre 1825, sous la falaise des Hachettes à Sainte-Honorine, près de Port-en-Bessin, arrondissement de Bayeux. Suivaient des compliments. L'obscurité enveloppant le mastodonte irrita le désir de Pécuchet. Il aurait voulu se rendre tout de suite à Villers. Bouvard objecta que pour s'épargner un déplacement peut-être inutile et à coup sûr dispendieux, il convenait de prendre des informations. Et ils écrivirent au maire de l'endroit une lettre où ils lui demandaient ce qu'était devenu un certain Louis Bloch. Dans l'hypothèse de sa mort, ses descendants ou collatéraux pouvaient-ils les instruire sur sa précieuse découverte? Quand il la fit, à quelle place de la commune gisait ce document des âges primitifs? Avait-on des chances d'en trouver d'analogues? Quel était par jour le prix d'un homme et d'une charrette? Et ils eurent beau s'adresser à l'adjoint, puis au premier conseiller municipal, ils ne reçurent de Villers aucune nouvelle. Sans doute les habitants étaient jaloux de leurs fossiles, à moins qu'ils ne les vendissent aux Anglais. Le voyage des Hachettes fut résolu. Bouvard et Pécuchet prirent la diligence de Falaise, pour Caen. Ensuite une carriole les transporta de Caen à Bayeux, et de Bayeux ils allèrent à pied jusqu'à Port-en-Bessin. On ne les avait pas trompés. La côte des Hachettes offrait des cailloux bizarres, et sur les indications de l'aubergiste, ils atteignirent la grève. La marée étant basse, elle découvrait tous ses galets, avec une prairie de goémons jusqu'au bord des flots. Des vallonnements herbeux découpaient la falaise, composée d'une terre molle et brune, et qui, se durcissant, devenait dans ses strates inférieures une muraille de pierre grise. Des filets d'eau en tombaient sans discontinuer, pendant que la mer au loin grondait. Elle semblait parfois suspendre son battement, et on n'entendait plus que le petit bruit des sources. Ils titubaient sur des gerbes gluantes, ou bien ils avaient à sauter des trous. Bouvard s'assit près du rivage et contempla les vagues, ne pensant à rien, fasciné, inerte. Pécuchet le ramena vers la côte pour lui faire voir un ammonite, incrusté dans la roche comme un diamant dans sa gangue. Leurs ongles s'y brisèrent. Il aurait fallu des instruments. La nuit venait d'ailleurs. Le ciel était empourpré à l'occident, et toute la place couverte d'une ombre. Au milieu des varechs presque noirs, les flaques d'eau s'élargissaient. La mer montait vers eux. Il était temps de rentrer. Le lendemain, dès l'aube, avec une pioche et un pic, ils attaquèrent leur fossile dont l'enveloppe éclata. C'était un ammonite nodosus, rongé par les boues, mais bien 16 livres. Et Pécuchet, dans l'enthousiasme, s'écria « Nous ne pouvons faire moins que de l'offrir à du mouchel. » Puis ils rencontrèrent des éponges, des térébratules, des orques, et pas de crocodiles. À son défaut, ils espéraient une vertèbre d'hippopotame ou d'ichthyosaure, n'importe quel ossement contemporain du déluge, quand ils distinguèrent à hauteur d'homme contre la falaise des contours qui figuraient le galbe d'un poisson gigantesque. Ils délibérèrent sur les moyens de l'obtenir. Bouvard le dégagerait par le haut, tandis que Pécuchet, en dessous, démolirait la roche pour le faire descendre, doucement, sans l'abîmer. Comme ils reprenaient haleine, ils virent au-dessus de leur tête, dans la campagne, un douanier en manteau, qui gesticulait d'un air de commandement. « Eh bien quoi, fiche-nous la paix !» Ils continuèrent leur besogne. Bouvard sur la pointe des orteils, tapant avec sa pioche, Pécuchet l'air plié, creusant avec son pic. Mais le douanier reparut plus bas dans un vallon, en multipliant les signaux. Il s'en moquait bien. Un corps ovale se bombait sous la terre amincie et penchait, allait glisser. Un autre individu avec un sabre se montra tout à coup. « Vos passeports !» C'était le garde champêtre en tournée, et au même moment survint l'homme de la douane, accouru par une ravine. « Empêchez-les, père Morin, ou la falaise va s'écrouler !» C'est dans un but scientifique, répondit Pécuchet. Alors une masse tomba en les frôlant de si près, tous les quatre, qu'un peu plus ils étaient morts. Quand la poussière fut dissipée, ils reconnurent un mât de navire qui s'émietta sous la botte du noyer. Bouvard dit en soupirant, « Nous ne faisions pas grand mal. »« On ne doit rien faire dans les limites du génie, » reprit le garde champêtre. « D'abord, qui êtes-vous, pour que je vous dresse procès ?» Pécuchet se rebiffa, criant à l'injustice. « Pas de raison, suivez-moi. » Dès qu'ils arrivèrent sur le port, une foule de gamins les escorta. Bouvard, rouge comme un coquelicot, affectait un air digne. Pécuchet, très pâle, lançait des regards furieux, et ces deux étrangers, portant des cailloux dans leurs mouchoirs, n'avaient pas une bonne figure. Provisoirement, on les colloqua dans l'auberge, dont le maître sur le seuil barrait l'entrée. Puis le maçon réclama ses outils. Ils les payèrent, encore des frais. Et le garde champêtre ne revenait pas. Pourquoi ? Enfin, un monsieur qui avait la croix d'honneur les délivra, et ils s'en allèrent, ayant donné leur nom, prénom et domicile, avec l'engagement d'être à l'avenir plus circonspects. Outre un passeport, il leur manquait bien des choses, et avant d'entreprendre des explorations nouvelles, ils consultèrent le guide du voyageur géologue par bonnet. Il faut avoir premièrement un bon havresac de soldat, puis une chaîne d'arpenteurs, une lime, des pinces, une boussole et trois marteaux, passés dans une ceinture qui se dissimule sous la redingote, et vous préserve ainsi de cette apparence originale que l'on doit éviter en voyage. Comme bâton, Pécuchet adopta franchement le bâton de touriste, haut de 6 pieds, à longue pointe de fer. Bouvard préférait une canne parapluie ou parapluie polybranche, dont le pommeau se retire pour aggraver la soie contenue à part dans un petit sac. Ils n'oublièrent pas de forts souliers avec des guêtres, chacun 2 paires de bretelles à cause de la transpiration, et bien qu'on ne puisse se présenter partout en casquette, ils reculèrent devant la dépense d'un de ces chapeaux qui se plie et qui porte le nom du chapelier Gibus, leur inventeur. Le même ouvrage donne des préceptes de conduite. Savoir la langue du pays que l'on visite, ils la savaient. Garder une tenue modeste, c'était leur usage. Ne pas avoir d'argent sur soi, rien de plus simple. Enfin, pour s'épargner toutes sortes d'embarras, il est bon de prendre la qualité d'ingénieur. Eh bien, nous la prendrons. Ainsi préparés, ils commencèrent leur course, étaient absents quelquefois pendant 8 jours, passaient leur vie au grand air. Tantôt, sur les bords de l'Orne, ils apercevaient dans une déchirure des pans de roc dressant leurs lames obliques entre des peupliers et des bruyères. Ou bien ils s'attristaient de ne rencontrer le long du chemin que des couches d'argile. Devant un paysage, ils n'admiraient ni la scierie des plans, ni la profondeur des lointains, ni les ondulations de la verdure. Mais ce qu'on ne voyait pas, le dessous, la terre, et toutes les collines étaient pour eux encore une preuve du déluge. À la manie du déluge succéda celle des blocs erratiques. Les grosses pierres seules dans les champs devaient provenir de glaciers disparus. Ils cherchaient des moraines et des falins. Plusieurs fois on les prit pour des porte-balles, vu leur accoutrement. Et quand ils avaient répondu qu'ils étaient des ingénieurs, une crainte leur venait. L'usurpation d'un titre pareil pouvait leur attirer des désagréments. À la fin du jour, ils haletaient sous le poids de leurs échantillons, mais les intrépides les rapportaient chez eux. Il y en avait le long des marches dans l'escalier, dans les chambres, dans la salle, dans la cuisine, et Germaine se lamentait sur la quantité de poussière. Ce n'était pas une mince besogne avant de coller les étiquettes que de savoir les noms des roches. La variété des couleurs et du grenu leur faisait confondre l'argile avec la marne, le granit et le gneiss, le quartz et le calcaire. Et puis la nomenclature les irritait. Pourquoi dévonien, cambrien, jurassique, comme si les terres désignées par ces mots n'étaient pas ailleurs qu'en Devonshire, près de Cambridge et dans le Jura? Impossible de s'y reconnaître. Ce qui est système pour l'un est pour l'autre un étage, pour un troisième une simple assise. Les feuilles et des couches s'entremêlent, s'embrouillent, mais Homalius Dallois vous prévient qu'il ne faut pas croire aux divisions géologiques. Cette déclaration les soulagea. Et quand ils eurent vu des calcaires à polypiers dans la plaine de Caen, des filades à Balleroy, du kaolin à Saint-Blaise, de holite partout, et chercher de la houille à Cartigny et du mercure à la chapelle en jugé, près de Saint-Lô, ils décidèrent une excursion plus lointaine, un voyage au Havre pour étudier le quartz pyromaque et l'argile de Kimmeridge. À peine descendus du paquebot, ils demandèrent le chemin qui conduit sous les phares. Des éboulements l'obstruaient. Il était dangereux de s'y hasarder. Un loueur de voitures les accosta et leur offrit des promenades aux environs, Ingouville, Octeville, Fécamp, l'île Bonne, Rome s'il le fallait. Ces prix étaient déraisonnables, mais le nom de Fécamp les avait frappés. En se détournant un peu sur la route, on pouvait voir Étretat, et ils prirent la gondole de Fécamp pour se rendre plus loin d'abord. Dans la gondole, Bouvard et Pécuchet firent la conversation avec trois paysans, deux bonnes femmes, un séminariste, et n'hésitèrent pas à se qualifier d'ingénieurs. On s'arrêta devant le bassin, ils gagnèrent la falaise, et 5 minutes après, la frôlèrent, pour éviter une grande flaque d'eau avançant comme un golfe au milieu du rivage. Ensuite, ils virent une arcade qui s'ouvrait sur une grotte profonde. Elle était sonore, très claire, pareille à une église, avec des colonnes de haut en bas, et un tapis de varech tout le long de ses dalles. Cet ouvrage de la nature les étonna, et ils s'élevèrent à des considérations sur l'origine du monde. Bouvard penchait vers le neptunisme. Pécuchet, au contraire, était plutonien. Le feu central avait brisé la croûte du globe, soulevé les terrains, fait des crevasses. C'est comme une mer intérieure, ayant son flux et reflux, ses tempêtes. Une mince pellicule nous en sépare. On ne dormirait pas si l'on songeait à tout ce qu'il y a sous nos talons. Cependant, le feu central diminue, et le soleil s'affaiblit, si bien que la terre un jour périra de refroidissement. Elle deviendra stérile. Tout le bois et toute la houille se seront convertis en acide carbonique, et aucun être ne pourra subsister. « Nous n'y sommes pas encore, » dit Bouvard. « Espérons-le, » reprit Pécuchet. « N'importe, cette fin du monde, si lointaine qu'elle fût, les assombrit, » et côte à côte ils marchaient silencieusement sur les galets. La falaise perpendiculaire, toute blanche et rayée en noir, çà et là, par des lignes de silex, s'en allait vers l'horizon, telle que la courbe d'un rempart ayant 5 lieues d'étendue. Un vent d'est, âpre et froid, soufflait. Le ciel était gris, la mer verdâtre et comme enflée. Du sommet des roches, des oiseaux s'envolaient, tournoyaient, rentraient vite dans leurs trous. Quelquefois, une pierre se détachant rebondissait de place en place avant de descendre jusqu'à eux. Pécuchet poursuivait à haute voix ses pensées, à moins que la terre ne soit anéantie par un cataclysme. On ignore la longueur de notre période. Le feu central n'a qu'à déborder. Pourtant, il diminue. Cela n'empêche pas ces explosions d'avoir produit l'île Julia, le mont Nuovo et bien d'autres encore. Bouvard se rappelait avoir lu ces détails dans Bertrand, mais de pareilles fêtes n'arrivent pas en Europe. « Mille excuses, témoin celui de Lisbonne. Quant à nos pays, les mines de houille et de pyrite martial y sont nombreuses et peuvent très bien, en se décomposant, former des bouches volcaniques. Les volcans, d'ailleurs, éclatent toujours près de la mer. » Bouvard promène à sa vue sur les flots et crut distinguer au loin une fumée qui montait vers le ciel. Puisque l'île Julia, reprit Pécuchet, a disparu, des terrains produits par la même cause auront peut-être le même sort. Un îlot de l'archipel est aussi important que la Normandie, et même que l'Europe. Bouvard se figura l'Europe engloutie dans un abîme. Admet du Pécuchet qu'un tremblement de terre ait lieu sous la Manche. Les eaux se ruent dans l'Atlantique, les côtes de la France et de l'Angleterre, en chancelant sur leur base, s'inclinent, se rejoignent et vlan, tout l'entre-deux est écrasé. Au lieu de répondre, Bouvard se mit à marcher tellement vite qu'il fut bientôt à 100 pas de Pécuchet. Étant seul, l'idée d'un cataclysme le troubla. Il n'avait pas mangé depuis le matin. Ses tempes bourdonnaient. Tout à coup, le sol lui parut tressaillir et la falaise au-dessus de sa tête penchée par le sommet. À ce moment, une pluie de gravier déroula d'en haut. Pécuchet l'aperçut qui détalait avec violence, comprit sa terreur, cria de loin « Arrête, arrête, la période n'est pas accomplie !» Et pour le rattraper, il faisait des sauts énormes, avec son bâton de touriste, tout en vociférant. « La période n'est pas accomplie, la période n'est pas accomplie !» Bouvard en démence courait toujours. Le parapluie polybranche tomba, les pans de sa redingote s'envolaient, le havresac ballottait à son dos. C'était comme une tortue avec des ailes, qui aurait galopé parmi les roches. Une plus grosse le cacha. Pécuchet y parvint hors d'haleine, ne vit personne, puis retourna en arrière pour gagner les champs par une valeuse que Bouvard avait prise sans doute. Ce raidillon étroit était taillé à grande marche dans la falaise, de la largeur de 2 hommes, et luisant comme de l'albâtre poli. À 50 pieds d'élévation, Pécuchet voulut descendre. La mer battait son plein. Il se remit à grimper. Au second tournant, quand il aperçut le vide, la peur le glaça. À mesure qu'il approchait du 3e, ses jambes devenaient molles. Des couches de l'air vibraient autour de lui. Une crampe le pinçait à l'épigastre. il s'assit par terre, les yeux fermés, n'ayant plus conscience que des battements de son cœur qui l'étouffaient. Puis il jeta son bâton de touriste, et avec les genoux et les mains reprit son ascension. Mais les trois marteaux tenus à la ceinture lui entraient dans le ventre, les cailloux dont ses poches étaient bourrées tapaient ses flancs. La visière de sa casquette l'aveuglait, le vent redoublait de force. Enfin il atteignit le plateau et y trouva Bouvard, qui était monté plus loin par une valeuse moins difficile. Une charrette les recueillit, ils oublièrent Étretat. Le lendemain soir, au Havre, en attendant le paquebot, ils virent au bas d'un journal un feuilleton intitulé « De l'enseignement de la géologie ». Cet article, plein de faits, exposait la question comme elle était comprise à l'époque. Jamais il n'y eut un cataclysme complet du globe. Mais la même espèce n'a pas toujours la même durée, et s'éteint plus vite dans tel endroit que dans tel autre. Des terrains de même âge contiennent des fossiles différents, comme des dépôts très éloignés en renferment de pareils. Les fougères d'autrefois sont identiques aux fougères d'à présent. Beaucoup de zoophytes contemporains se retrouvent dans les couches les plus anciennes. En résumé, les modifications actuelles expliquent les bouleversements antérieurs. Les mêmes causes agissent toujours, la nature ne fait pas de sauts, et les périodes, affirme Brongniart, ne sont après tout que des abstractions. Cuvier jusqu'à présent leur avait apparu dans l'éclat d'une auréole, au sommet d'une science indiscutable. Elle était sapée, la création n'avait plus la même discipline, et leur respect pour ce grand homme diminua. Pour des biographies et des extraits, ils apprirent quelque chose des doctrines de Lamarck et de Geoffroy Saint-Hilaire. Tout cela contrariait les idées reçues, l'autorité de l'Église. Bouvard en éprouva comme l'allégement d'un joug brisé. « Je voudrais voir maintenant ce que le citoyen Geoffroy me répondrait sur le déluge. » Ils le trouvèrent dans son petit jardin, où il attendait les membres du conseil de fabrique, qui devaient se réunir tout à l'heure pour l'acquisition d'une chasuble. « Ces messieurs souhaitent... » « Un éclaircissement, s'il vous plaît. » Et Bouvard commença. « Que signifiait dans la Genèse l'abîme qui se rompit et les cataractes du ciel ?»« Car un abîme ne se rompt pas, et le ciel n'a point de cataracte. » L'abbé ferma les paupières, puis répondit qu'il fallait distinguer toujours entre le sens et la lettre. Les choses qui d'abord nous choquent deviennent légitimes, en les approfondissant. « Très bien, mais comment expliquer la pluie qui dépassait les plus hautes montagnes, lesquelles mesurent 2 lieues ?» Y pensez-vous, 2 lieues, une épaisseur d'eau ayant 2 lieues? Et le maire survenant ajouta, saprelotte, quel bain! Convenait, dit Bouvard, que Moïse exagère diablement. Le curé avait lu Bonald, et répliqua, j'ignore ses motifs. C'était sans doute pour imprimer un effroi salutaire au peuple qu'il dirigeait. Enfin, cette masse d'eau, d'où venait-elle? Que sais-je? L'air s'était changé en pluie, comme il arrive tous les jours. Par la porte du jardin, on vit entrer M. Girbal, directeur des contributions avec le capitaine Heurtaud, propriétaire. Et Belle-Jambe, l'aubergiste, donnait le bras à Langlois, l'épicier, qui marchait péniblement à cause de son catarrhe. Pécuchet, sans souci d'eux, prit la parole. « Pardon, monsieur Geoffroy, le poids de l'atmosphère, la science nous le démontre, est égal à celui d'une masse d'eau qui ferait autour du globe une enveloppe de 10 mètres. Par conséquent, si tout l'air condensé tombait dessus à l'état liquide, il augmenterait bien peu la masse des eaux existantes. » Et les fabriciens ouvraient de grands yeux, écoutaient. Le curé s'impatienta. « Diriez-vous qu'on ait trouvé des coquilles sur les montagnes? Qui les a mis sinon le déluge? Elles n'ont pas coutume, je crois, de pousser toutes seules dans la terre, comme des carottes. » Et à ce mot ayant fait rire l'assemblée, il ajouta en pinçant les lèvres, « À moins que ce ne soit encore une des découvertes de la science. » Bouvard voulut répondre par le soulèvement des montagnes la théorie d'Élie de Beaumont. « Connais pas, » répondit l'abbé. Fourreau s'empressa de dire, « Il est de Caen. Je l'ai vu une fois à la préfecture. Mais si votre déluge repartit, Bouvard, avait charrié des coquilles, on les trouverait brisées à la surface et non à des profondeurs de 300 mètres quelquefois. » Le prêtre se rejeta sur la véracité des écritures, la tradition du genre humain et les animaux découverts dans de la glace en Sibérie. Cela ne prouve pas que l'homme ait vécu en même temps qu'eux. La terre, selon Pécuchet, était considérablement plus vieille. Le delta du Mississippi remonte à des dizaines de millions d'années. L'époque actuelle en a 100 000, pour le moins les listes de Manéthon. Le comte de Faverge s'avança. Tous firent silence à son approche. « Continuez, je vous prie, que disiez-vous ? » « Ces messieurs me querellaient, » répondit l'abbé. « À propos de quoi ? » ?»« Sur la Sainte Écriture, monsieur le comte. » Bouvard de suite allégua qu'ils avaient droit, comme géologue, à discuter religion. « Prenez garde, » dit le comte. « Vous savez le mot, cher monsieur, Un peu de science en éloigne, beaucoup y ramène. » Et d'un ton à la fois hautain et paternel, « Croyez-moi, vous y reviendrez, vous y reviendrez. » Peut-être, mais que penser d'un livre où l'on prétend que la lumière a été créée avant le soleil, comme si le soleil n'était pas la seule cause de la lumière. « Vous oubliez celle qu'on appelle le boréal, » dit l'ecclésiastique. Bouvard, sans répondre à l'objection, nia fortement qu'elle ait pu être d'un côté et les ténèbres de l'autre, qu'il y ait eu un soir et un matin quand les astres n'existaient pas et que les animaux aient apparu tout à coup, au lieu de se former par cristallisation. Comme les allées étaient trop petites, en gesticulant, on marchait dans les plates-bandes. Langlois fut pris d'une quinte de toux. Le capitaine criait « Vous êtes des révolutionnaires !» Girbal « La paix, la paix !» Le prêtre « Quel matérialisme !» Fourreau, occupons-nous plutôt de notre chasuble. Ou, laissez-moi parler. » Et Bouvard, s'échauffant, alla jusqu'à dire que l'homme descendait du singe. Tous les fabriciens se regardèrent fort ébahis, et comme pour s'assurer qu'ils n'étaient pas des singes. Bouvard reprit, en comparant le foetus d'une femme, d'une chienne, d'un oiseau. Assez. Moi je vais plus loin, s'écria Pécuchet. L'homme descend des poissons. Des rires éclatèrent, mais sans se troubler. Le Taliamel, un livre arabe. « Allons, messieurs, en séance !» Et on entra dans la sacristie. Les deux compagnons n'avaient pas roulé l'abbé Geoffroy, comme il l'aurait cru. Aussi Pécuchet lui trouva-t-il le cachet du jésuitisme. Sa lumière boréale les inquiétait cependant. Ils la cherchèrent dans le manuel de d'Orbigny. C'est une hypothèse pour expliquer comment les végétaux fossiles de la baie de Baffin ressemblent aux plantes équatoriales. On suppose à la place du soleil un grand foyer lumineux, maintenant disparu, et dont les aurores boréales ne sont peut-être que les vestiges. Puis un doute leur vint sur la provenance de l'homme, et embarrassés, ils songèrent à Vaucorbeil. Ces menaces n'avaient pas eu de suite. Comme autrefois, ils passaient le matin devant leur grille, en raclant avec sa canne tous les barreaux l'un après l'autre. Bouvard l'épia, et l'ayant arrêté, dit qu'il voulait lui soumettre un point curieux d'anthropologie. « Croyez-vous que le genre humain descende des poissons ?»« Quelle bêtise ! Plutôt des singes, n'est-ce pas ?» « Directement, c'est impossible. » À qui se fier? Car enfin le docteur n'était pas un catholique. Ils continuèrent leurs études, mais sans passion, étant las de l'Éocène et du Miocène, du mont Jurulo, de l'île Julia, des mammouths de Sibérie, et des fossiles invariablement comparés dans tous les auteurs à des médailles qui sont des témoignages authentiques, si bien qu'un jour Bouvard jeta son havresac par terre en déclarant qu'il n'irait pas plus loin. La géologie est trop défectueuse. À peine connaissons-nous quelques endroits de l'Europe, quant au reste avec le fond des océans, on l'ignorera toujours. Enfin Pécuchet ayant prononcé le mot de règne minéral. Je n'y crois pas au règne minéral, puisque des matières organiques ont pris part à la formation du silex, de la craie, de l'or peut-être. Le diamant n'a-t-il pas été du charbon? La houille, un assemblage de végétaux? En la chauffant à je ne sais plus combien de degrés, on obtient de la sciure de bois, tellement que tout passe, tout coule. La création est faite d'une matière ondoyante et fugace. Mieux vaudrait nous occuper d'autre chose. » Il se coucha sur le dos et se mit à sommeiller, pendant que Pécuchet, la tête basse et un genou dans les mains, se livrait à ses réflexions. Une lisière de mousse bordait un chemin creux, ombragé par des frênes dont les cimes légères tremblaient. Des angéliques, des menthes, des lavandes exhalaient des senteurs chaudes, épicées. L'atmosphère était lourde. Et Pécuchet, dans une sorte d'abrutissement, rêvait aux existences innombrables, éparses autour de lui, aux insectes qui bourdonnaient, aux sources cachées sous le gazon, à la sève des plantes, aux oiseaux dans leur nid, au vent, aux nuages, à toute la nature, sans chercher à découvrir ses mystères, séduit par sa force perdue dans sa grandeur. « J'ai soif, » dit Bouvard en se réveillant. « Moi de même, je boirais volontiers quelque chose. » « C'est facile, » reprit un homme qui passait en manche de chemise avec une planche sur l'épaule. Et ils reconnurent ce vagabond, à qui Bouvard autrefois avait donné un verre de vin. Il semblait de 10 ans plus jeune, portait les cheveux en accroche-cœur, la moustache bien cirée, et dandinait sa taille d'une façon parisienne. Après 100 pas environ, il ouvrit la barrière d'une cour, jeta sa planche contre un mur, et les fit entrer dans une haute cuisine. « Mélie, es-tu là, Mélie ?» Une jeune fille parut. Sur son commandement, alla tirer de la boisson, et revint près de la table servir ses messieurs. Ses bandeaux, de la couleur des blés, dépassaient un béguin de toile grise. Tous ses pauvres vêtements descendaient le long de son corps sans un pli, et le nez droit, les yeux bleus. Elle avait quelque chose de délicat, de champêtre et d'ingénu. « Elle est gentille, hein ? » dit le menuisier. « pendant qu'elle apportait des verres. « Si on ne jurerait pas une demoiselle, costumée en paysanne, et rude à l'ouvrage pourtant. Pauvre petit cœur, va. Quand je serai riche, je t'épouserai. » « Vous dites toujours des bêtises, monsieur Gorju, répondit-elle d'une voix douce, sur un accent traînard. » Un valet d'écurie vint prendre de l'avoine dans un vieux coffre et laissa retomber le couvercle si brutalement qu'un éclat de bois en jaillit. Gorju s'emporta contre la lourdeur de tous ses gars dans la campagne, puis, à genoux devant le meuble, il cherchait la place du morceau. Pécuchet, en voulant l'aider, distingua sous la poussière des figures de personnages. C'était un bahut de la Renaissance avec une torsade en bas, des pampres dans les coins, et les colonnettes divisaient sa devanture en 5 compartiments. On voyait au milieu Vénus Anadyomène, debout sur une coquille, puis Hercule et Omphale, Samson et Dalila, Circé et ses pourceaux, les filles de Lot énivrant leur père, tout cela délabré, rongé de mythe, et même le panneau de droite manquait. Gorju prit une chandelle pour mieux vous faire voir à Pécuchet celui de gauche, qui présentait sous l'arbre du paradis Adam et Ève dans une posture fort indécente. Bouvard également admira le bahut. « Si vous y tenez, on vous le céderait à bon compte. » Ils hésitaient, vu les réparations. Gorju pouvait les faire, étant de son métier ébéniste. « Allons, venez !» Et il entraîna Pécuchet vers la masure, où Madame Castillon, la maîtresse, étendait du linge. Mélie, quand elle eut lavé ses mains, prit sur le bord de la fenêtre son métier à dentelle, s'assit en pleine lumière et travailla. Le linteau de la porte l'encadrait. Les fuseaux se débrouillaient sous ses doigts avec un claquement de castagnettes. Son profil restait penché. Bouvard la questionna sur ses parents, son pays, les gages qu'on lui donnait. Elle était de Ouistreham, n'avait plus de famille, gagnait une pistole par mois. Enfin, elle lui plut tellement qu'il désira la prendre à son service pour aider la vieille Germaine. Pécuchet reparut avec la fermière, et pendant qu'ils continuaient leur marchandage, Bouvard demanda tout bas à Gorju si la petite bonne consentirait à devenir sa servante. Parbleu! « Toutefois, dit Bouvard, il faut que je consulte mon ami. »« Eh bien, je ferai en sorte, mais n'en parlez pas, à cause de la bourgeoise. » Le marché venait de se conclure, moyennant 35 francs. Pour le raccommodage, on s'entendrait. À peine dans la cour, Bouvard dit son attention relativement à Mélie. Pécuchet s'arrêta, afin de mieux réfléchir, ouvrit sa tabatière, huma une prise et s'est embouché. « Au fait, c'est une idée, mon Dieu, oui. Pourquoi pas? D'ailleurs, tu es le maître. » 10 minutes après, Gorju se montra sur le haut bord d'un fossé et les interpellant. « Quand faut-il que je vous apporte le meuble ?»« Demain. »« Et pour l'autre question, êtes-vous décidé ?»« Convenu, répondit Pécuchet. »